Quatrième chapitre. Un rayon de soleil, un rayon d'espoir. Le soir de ce même jour, en rentrant chez lui dans le pauvre logement de la route de la révolte, Francis se précipita dans les bras de sa mère en s'écriant « Sauvé, maman, nous sommes sauvés. J'ai vu le propriétaire. Il consent à nous accorder du temps. Cela a été dur, mais enfin j'ai quand même réussi. » J'ai pris l'engagement de verser à M. Poussigot un acompte de 30 francs par mois. 30 francs? Mais tu n'y songes pas, Francis, s'effara Mme Mao. Et où les prendras-tu, ces 30 francs? Tu sais bien que nous n'arrivons même pas à vivre avec ce que tu rapportes, surtout maintenant que nous sommes trois. Aie confiance, maman. Je t'ai dit l'autre jour que j'avais une idée, et je vais sans tarder la mettre à exécution. Tu verras que nous nous en tirerons. Ne te désole plus, va. » Et le brave enfant, après avoir embrassé sa mère et Louisette, s'installa devant la petite table où Madame Mao venait de servir le repas du soir, une soupe maigre et quelques pommes de terre cuites à l'eau. Bien qu'il eût une faim atroce, Francis mangea peu cependant, et pour cause, car s'il est vrai que lorsqu'il y en a pour trois, il y en a aussi pour quatre, dans ce modeste intérieur d'ouvrier, les parts étaient tellement minces qu'elles faisaient toujours mentir le proverbe. Le jeune apprenti s'efforçait néanmoins de paraître gai, et la pauvre Louisette, tout heureuse d'avoir retrouvé un foyer, babillait sans relâche, posant des questions, s'intéressant à tout, avec cette curiosité naïve qui fait le charme des enfants. Parfois, cependant, une ombre de tristesse obscurcissait son front et ses grands yeux noirs avaient soudain une étonnante fixité. La fillette songeait à sa mère, à celle qui la gâtait tant, et alors elle demandait avec des larmes dans la voix en s'adressant à Francis. « Dis donc, petit frère, c'est ainsi qu'elle appelait maintenant son jeune protecteur. Est-ce que nous irons bientôt chercher ma maman? Je l'aime bien, tu sais, j'aime aussi maman Mao qui est si bonne, mais je voudrais bien revoir maman Mélie. Je suis sûre qu'elle doit être bien triste, qu'elle doit pleurer tous les jours en pensant à sa petite fille. » « Console-toi, Louisette, répondait Francis. Nous la reverrons bientôt, ta maman Mélie. » « C'est bien vrai, petit frère ? » « Oui, ma chérie, c'est bien vrai. » Et la pauvrette rassurée s'endormait en souriant sur les genoux de Madame Mao. Bientôt, celle-ci se mettait au lit et il ne restait plus dans la petite pièce servant de salle à manger que Francis qui travaillait fiévreusement sous la lampe. « Tu ne te couches donc pas, mon enfant ?» demandait Madame Mao. « Dans quelques minutes, maman, » répondait l'apprenti. Mais souvent, la petite pendule avait depuis longtemps déjà sonné la demie de minuit que le gamin travaillait encore. Au moyen d'une petite pince, il coupait rapidement des lamelles de zinc tout en s'efforçant de faire le moins de bruit possible pour ne pas réveiller sa mère et Louisette qui dormaient dans la chambre à côté. Ensuite, il taillait de menus morceaux de bois sur lesquels, avec d'infinies précautions, il tendait une légère toile grise revêtue d'un enduit. Parfois aussi, il collait ensemble des carrés de bois minuscules, les faisait immédiatement sécher à la lueur de la lampe, puis les ajustait les uns aux autres avec une adresse remarquable. Lorsqu'il voyait cependant que l'heure s'avançait et qu'il devait enfin prendre quelque repos, il serrait hâtivement dans une boîte ses lamelles de zinc, ses morceaux de bois et ses outils, puis ouvrait silencieusement le lit cage installé dans un coin. Et c'était ainsi chaque soir, malgré les supplications de Madame Mao, qui craignait de voir son fils tomber malade à la suite de ses veilles prolongées, Francis continuait son mystérieux travail. Un matin, il se jeta dans les bras de sa mère en disant « À partir d'aujourd'hui, maman, je vais me coucher de bonne heure, car j'ai fini mon travail, du moins pour quelques jours. » Et, ouvrant la boîte qu'il rangeait si soigneusement tous les soirs, Francis montra à sa mère, émerveillée, de jolis petits hydroaéroplanes, dignes de figurer parmi les constructions réduites d'un musée, tant ils étaient perfectionnés, gracieux et légers. Tu me demandais, reprit le courageux apprenti, comment je pourrais tenir les engagements que j'ai pris et payer le propriétaire. Eh bien voilà, c'est avec cela que je m'acquitterai. C'est un joli travail, c'est merveilleux, mon enfant, mais il faut vendre cela. Crois-tu pouvoir y parvenir ? Pourquoi pas, maman ? Oui, j'ai bon espoir. D'ailleurs, tu verras, c'est aujourd'hui vendredi. Après-demain, dimanche, j'irai au jardin des Tuileries et là, sur le bassin, j'expérimenterai mes appareils. Je suis sûre qu'ils marcheront bien grâce au système que j'ai imaginé et que j'aurai plus d'un acheteur. Je les vendrai 1 franc pièce. Ce n'est pas trop cher, n'est-ce pas ? Et puis, aux Tuileries, il y a des enfants riches. Leurs parents ne regarderont certainement pas à une malheureuse pièce blanche. Ah, c'est égal, je suis content tout de même, et je vais emporter un de mes hydroaéroplanes pour le montrer à Monsieur Grondard, notre contremaître. C'est lui qui m'a appris à travailler, et il sera heureux de voir que j'ai profité de ses leçons. C'est un si brave homme que Monsieur Grondard.